기 이방가난 동고 Mes amis, voilà problème. Aujourd'hui, c'est la fin du mois. Moi, voulu beaucoup danser. Danse Biggie, danse Soukous, danse Maloya, danse Sega, danse le Zouk, danse Reggae, danse Lambada, danse Soga. Moi voulu beaucoup blaguer, ah beaucoup blaguer, ah beaucoup blaguer. Lé lé lé lé lé lé lé lé lé lé lé lé lé lé lé lé lé. Oh,